leur ai cru, voir la vérité toute nue. Ma vie en mode répétition, je dois faire attention. Beaucoup de regards sur moi ne sont pas bons. J'ai mes potes dans mon dos, je joue avec les mots. Tout à ça s'arrêtera, crois-moi. Viens avec moi, laisse-moi te faire voir ma putain de vie, mes ennuis m'ont éduqué. Mac le caractère de soldat que j'ai chopé. Je plais, je stresse et je ne vois qu'une princesse. Juste des affaires de sexe. Tu m'entends, monte le son si mes rimes ont du mal à te toucher. Le sommeil c'est le cousin de la mort. Et on constate qu'il n'y a rien après. J'essaye de rester frais malgré la haine mal placée que j'ai. Y'a de quoi angoisser, file-moi ma weed. J'ai besoin de planer, vivant l'enfer. Le monde est à refaire. J'essaie de rester au sec et de ne pas me faire éclabousser. Je ne veux pas crever, baby. Qui leur écrit, qui leur écrit, voir la vérité toute nue, toute nue. Qui leur écrit, qui leur écrit, qui leur écrit, voir la vérité toute nue. Qui leur écrit, qui leur écrit, qui leur écrit, voir la vérité toute nue, voir la vérité toute nue. Je suis en guerre contre moi-même, contre mon propre caractère. Des pensées diaboliques comme si j'avais la fièvre. Un besoin d'amour inassouvi m'a rendu victime d'une vie sans vrai plaisir. Blessé depuis que je suis né, bébé, j'ai besoin de toi à mes côtés. Je fais constamment la guerre dans mon cœur. Après l'orage, le beau temps, mais toujours je l'attends. De jour en jour, d'heure en heure, les gens meurent. Et si t'alarmes et dépose une fleur sur son cercueil. On vit dans un monde froid. Je plains les petits frères qui vont devoir survivre à la folie de ce monde pourri. Où tes ennemis rient dans ton dos, où tes amis te tournent le dos. Je fume ma clope comme si c'était la putain du dernier. À quand mon heure, j'ai besoin de respirer hors d'ici. Je veux pas partir avant d'avoir laissé mes graines ici. J'suis en guerre contre moi-même, contre mon propre caractère. J'suis en guerre contre moi-même, contre vous, contre moi-même, contre mon propre caractère. J'suis en guerre contre moi-même, contre mon propre caractère. J'suis en guerre contre mon moi-même, contre mon propre caractère. Trop de pression dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai peur. Mes amis se confondent dans mes ennemis. J'essaie d'être le meilleur, mais t'as toujours un jaloux à la recherche de ton malheur. Les larmes n'arrivent plus à couler sur mes joues. Mort le jour, vivant la nuit. Jamais je me mets à genoux, dégoûté par la vie. Des pensées suicidaires flottent dans mon esprit. Je frappe ma tête pour retrouver mes idées claires. Mon humeur change en un éclair. À juste 20 ans, je n'ai pas peur de mourir. Ce jour-là, je le prendrai avec le sourire. Car j'en ai marre de souffrir. À quand la paix dans mon cœur, je vis et fais la guerre depuis trop longtemps. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. Trop de pression dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai peur. Trop de pression dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai peur. Trop de pression dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai peur. Trop de pression dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai peur. Trop de pression dans mon corps, j'ai mal au cœur, j'ai mal, j'ai peur, parfois.